Yon pays, yon nation, yon patrie pas bien dirigé. Pas qu'à gagner l'unité, mais ça son gros danger. Haïtien réveillé, nous prenons conscience, nous gagnons urgence. Ça pas qu'à continuer. Haïti sous lumière rouge, c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous mêler là. C'est vrai. Haïtien frère, mieux pays une camper là. Ça c'est vrai. La patrie en danger là. C'est vrai. On nous lève camper pour nous dire assez. Attention. Thank you. parler.